dans le show du matin. Radio Bonheur. Radio Bonheur. Radio Joie. Je suis complètement fessé par ton attitude. C'est le show de la joie. C'est Radio Bonheur. C'est arrête. Radio Rose. Pourquoi t'es content de voir qu'on va s'attaquer au modèle québécois, un modèle qui fonctionne, là, OK? Ça va bien, oui. Ça va super bien. Ah, non. Bienvenue à Rose FM. Je suis de bonne humeur ce matin. Rose FM. Happy. Bon. Je file happy. Regarde, je suis fessé. Je te trouve excessivement confiant, comme dirait notre ancien boss. Peut-être trop confiant, ouais. mais on a le début de quelque chose. Je vous annonce ce matin le début de la fin du modèle québécois tel qu'on le connaît depuis la Révolution tranquille. Je vous l'annonce ce matin. T'es pas d'accord avec ça, toi? Tu sens pas ça? Regarde, moi, je suis plus cynique que vous autres par rapport à la politique puis par rapport aux politiciens. Je réagis toujours de la même façon un peu. Ben oui, on va couper. Ben oui, on va faire le ménage. Ben oui, on est rendu au mur. Encore. Ben oui. Dans quelques semaines, dans quelques mois, j'espère que je vais pouvoir te rejoindre dans ton optimisme. À date, ce que Couillard dit, ce que Couillard prévoit et ce que Couillard fait, pour moi, contribuable, qui est un peu écœuré qu'on vive au-dessus de nos moyens... Je trouve ça rassurant. Je trouve que c'est un parcours sans faute. Il y a une raison. Ça fait pas une semaine encore. Mais il y a une raison principale. Ça fait une couple de fois, je te le dis. La raison principale pour laquelle je suis de bonne humeur et je suis confiant, c'est que là, à New York, ils nous trouvent plus drôles. Et que là, on est surveillés par New York. Quand je parle de New York, je parle des agences de cotation qui surveillent et qui détermine en fait l'équivalent de la cote de crédit du Québec. Exactement comme votre cote de crédit à vous autres, vos emprunts, votre hypothèque, vos patentes. On est surveillé actuellement par New York et Couillard le sait très bien. Et s'il y a une raison pourquoi Couillard a pris des décisions rapidement hier au premier conseil des ministres, 24 heures après avoir été assermenté, la raison, c'est New York. La raison, c'est la cote de crédit du Québec. C'est pour ça que c'est arrivé hier. Si dans ma vie de tous les jours... Je m'achète, c'est gratis. Je me ramasse 4 cartes de crédit, je les load, je paye jamais, je m'achète une maison à 400 000, je mets 3 chars dans le cours, m'achète un petit chalet tranquille à Sherbrooke, puis je paye jamais, les enveloppes rendent... C'est ça. Un moment donné, il appelle, mais ça a commencé, on s'est fait appeler. Tu sais, quand le créancier appelle à la maison, là, mm-hmm. « Hey, monsieur, votre carte de crédit, ça fait 3 mois, vous avez pas fait le paiement minimum. » Hey, madame, votre hypothèque, ça fait 4 mois que vous avez pas payé votre hypothèque. Ça nous est arrivé, ça, il y a quelques mois, quand on s'est fait avertir par une firme de cotation qu'on était sous surveillance. Et jamais le gouvernement Couillard, un gouvernement libéral, va accepter d'être le gouvernement sous qui le Québec a été décoté. Jamais ils vont accepter ça. Et c'est pour ça que ce qui est en train d'arriver, c'est le début de la fin du modèle québécois. Couillard a fait des annonces hier, mais à matin, on en a plus. On a la suite ce matin. Hier, là, ce qui a été annoncé, là, il y a des mesures intéressantes, mais on sait un peu plus ce matin vers quoi on s'en va. Hier, c'est juste un début, là, dans le fond. C'est juste un début. Hier, on a annoncé le début, là. Diminution des dépenses administratives de 3%. Oui. Des gains de productivité qui vont être imposés, là, représentant 2% de la masse salariale dans les ministères. Ralentissement des octrois de subventions dans plusieurs domaines. Gel des embauches dans le secteur public. Ça va faire chialer. Ça va faire crier. Diminution du temps supplémentaire dans le secteur public et encore une réduction des dépenses de voyage et de publicité dans les ministères. Tout ça parce que là, écoute, là, on est en déficit de 3,7 milliards pour l'année 2014-2015. C'est 3,1 pour 2013-2014. Et là, rapidement, il faut rassurer les agences de cotation. C'est pour ça qu'on n'a pas perdu de temps. Exactement, c'est pour ça. Parce que on vous le disait, là. Je pense pas avoir vu ça de mon vivant, non. Jérôme. Non. On nomme les ministres, puis moins de 24 heures plus tard, on annonce déjà des mesures qui sont... c'est des mesures qui sont pas habituelles au Québec. Non, c'est pas des mesures draconiennes, mais on n'est pas habitué à ça au Québec. Le modèle québécois, normalement, c'est pas ça. Et là, ce matin, on va plus loin. Il y a de la nouvelle information dans la presse de ce matin. Eux autres, ils ont vu le plan de match. Là. Oui, là, il semble que le gouvernement Marois avait dans ses cartons une liste des horreurs, OK? On appelle ça au conseil du... c'est le nom qu'on a donné à cette liste-là au conseil du Trésor, là. Et ce que c'est, ça, c'est des compressions de 1,8 milliard dans le panier de service. Le fameux panier de service. Ouais, mais au Québec, on est attaché à notre panier de service. Ah ben là, Puis on est fiers de notre panier de service. On s'est rendu au bout là du panier de service. Là, là, on va couper d'1,8 milliard de dollars dans le panier de service. Fait que là, les histoires de gel d'embauche au gouvernement hier, là, c'est juste le début. Préparez-vous mentalement pour le budget et la fin de ce qu'on appelle la paix sociale au Québec. Ça va être le bordel. Dans les prochaines semaines. Moi, c'est ça que j'aime pas. Tu sais, ça va brasser comme ça se peut pas. Ça va être le bordel, de la boucane dans le métro. Montréal avec des chars sur le top. Puis tu sais, le genre d'affaires qu'on a vécu avec des enfants. Ouais. Avec les carrés rouges, des enfants ont fait ça. On a laissé des enfants prendre le contrôle d'une ville pendant quasiment un an. Ça va être des grandes personnes qui vont se comporter comme des enfants puis qui vont faire des crises du bacon. Ouais. Mais là, les enfants vont être là, les communistes vont être là, les syndicats vont descendre dans la rue et attendez-vous à ça pour le budget. Là. Le budget va être déposé là en mai ou en juin, là, probablement en juin là, par le gouvernement Couillard, par le nouveau ministre des Finances, Carlos Leitao. Et attendez-vous à un bordel à Montréal. Pourquoi? Là, il y a une trentaine de mesures qui sont envisagées. Des coupes, entre autres, dans le régime d'indemnisation des victimes d'actes criminels. Le report de l'assurance autonomie. La fin, puis écoutez bien ça, ça va vous toucher directement, là. La fin de la gratuité des examens dentaires pour les enfants de moins de 10 ans. Oui. Ça fait longtemps au Québec, là. Mm-hmm. Je me demande même si c'était pas moins de 16 ans à un moment donné, ça se peut-tu? Oui, c'est très possible. Là, je pense que j'ai été là-dessus, moi, jusqu'à 16 ans. Là, on va probablement annoncer ça, on est en train de jongler avec ça. Revision également du programme d'assurance médicaments. Tu sais, quand on parle du panier de service au Québec, là, c'est ça, le fameux panier de service, hein, on est attaché à ça. Et là, on va vraiment couper là-dedans. Là. C'est ce qui s'en vient. Là. C'était un incontournable déjà il y a quelques années. Imaginez, rendu en 2014, à quel point ça presse. Oui. Mais ça va mal passer. Tu sais, ce matin, dans les nouvelles, tu ouvres le journal, tu regardes une page, tu regardes l'autre. Sur deux pages à matin dans le journal, vous avez Philippe Couillard avec ses annonces. Mais vous avez, dans la même page, les médecins qui demandent des augmentations de salaire de 10 %. C'est juste un début. Ah ouais, c'est juste une petite gang. Les profs de cégep à matin, là. Les profs de cégep. Ah, c'est profs de cégep. Ouais, les profs de cégep à matin, là, vous demandez 10 % d'augmentation, 10 %. Là. Vous allez vous la mettre où on pense. OK? Vous allez vous la rouler très, très profondément, là. Vous l'aurez pas. OK? Ça, c'est une réalité, là. Tu vas envoyer du monde promener pour, quoi, les 6 prochains mois, à peu près, parce qu'ils vont tous faire la file, là, pour demander des affaires. Ouais, mais il va falloir, à un moment donné, affronter ces petites cliques syndicales-là, là. Il va falloir. Là, il n'y a pas été question de ça hier, là, mais ce qui est sur la table aussi, c'est le gel salarial des employés de l'État, là. C'est ce qui s'en vient aussi, là. Et c'est là que toi puis moi, on voit peut-être pas les choses de la même façon. Toi, tu penses que ce gouvernement-là va aller au bout parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Mais moi, je pense que on a toujours le don au Québec de pelleter par en avant, de reculer quand le monde se tient debout, puis d'avoir peur, puis de ci, ben là, puis de ça. Il va falloir que la majorité se tienne debout aussi, là, à un moment donné. Parce que là, je vous le dis, ce qui va arriver dans les prochains mois, là, ça va être les gauchistes, les communistes, les étudiants, les syndicats qui vont descendre et qui vont paralyser Montréal. Ça, c'est ce qui va arriver, là. Ça s'en vient ce printemps, avant les vacances d'été. Mais là, j'ose espérer que maintenant, à Montréal, il y a un vrai maire et qu'on aura une vraie police à Montréal. Puis je m'attaque pas aux policiers du SPVM quand je dis ça, là, c'est que les ordres étaient pas clairs avant. Ils pouvaient pas intervenir. Là, j'espère qu'on fait le ménage là-dedans, les communistes et les gauchistes, là, puis qu'on les laissera pas paralyser Montréal comme ça a été le cas il y a 2 ans. Parce que je pense que ce qui s'en vient, ça risque d'être pire que le printemps étudiant, là. On voit déjà une certaine conscience supplémentaire, parce que tu nous as appris cette semaine que Denis Coderre avait rencontré les dirigeants des polices pour les séries de la Coupe Stanley, qu'on a un plan de match, qu'on est prêt à faire intervenir 1 millier de policiers et même plus dans les rues à la seconde où des petits merdeux vont essayer de mettre la marde à la grandeur de la ville. Déjà ça, c'est un changement de mentalité. Le maire d'avant Montréal, il se cachait en dessous de son bureau puis il attendait que ça finisse. C'en est un, là. C'en est un. Et là, moi, je trouve que le contexte est idéal là, pour mettre fin au modèle québécois parce que là, oui, les agences de cotation, ils ont dans le cul. Puis je suis convaincu que si cette menace-là n'était pas présente, Couillard ferait comme tout le monde, puis il laisserait ça aller encore, là. Comprends-moi bien, là. Il peut pas. Mais là, on est au début d'un gouvernement majoritaire. Puis on s'entend-tu que le message était assez clair, là? Le mandat est assez fort là, pour Philippe Couillard. Là. Tu dis qu'on n'avait pas le choix. J'ai une question à te poser. Ouais. Tu sais, on en fait des fois de la politique fiction, toi puis moi. Oui, là. Oui. Le PQ gagne son élection. Oui. Qu'est-ce qui arrive cette semaine? Il aurait fait la même chose. Tu penses? Probablement. Ah oui, à ce point-là. Il n'y aurait pas eu le choix, Denis. Il n'y a pas un gouvernement qui se sentirait à l'aise de porter l'odieux, d'être décoté. Fait que la charte, le livre blanc, le référendum, tout ça aurait pris le bord. Moi, on aurait commencé à s'occuper de nos affaires pour vrai. Ça se peut que ça ait pris le bord. Il serait-tu allé aussi loin? Je le sais pas. Peut-être pas. Mais il n'y aurait pas eu le choix. Parce qu'eux autres ont fait un gouvernement de déni pendant quelques mois. Là, totalement. Les niaiseries qu'ils nous ont dit, Jérôme. Ah, les Québécois économisent plus. C'est pour ça qu'ils dépensent moins. C'était n'importe quoi. Mais au début d'un mandat, là, on parle d'un péquiste majoritaire, là, okay, de 4 ans. Ils sont tous rentrés. Il n'y aurait pas eu le choix. Nicolas Marceau est encore ministre des Finances. Pierre-Carl Péladeau est ministre de l'Économie. Il y aurait eu d'autres amis, plus de nouveaux amis. Là. Lorraine Pintal et compagnie, ça aurait tout été élu. Oui. Dominique Payette dans Charlebourg. Dominique Payette, là. Mais ministre du vrai monde. Ouais, en minoritaire, je suis pas sûr qu'il aurait pris une décision. Mais je suis pas sûr qu'on réalise à quel point c'est grave ce qui se passe à New York là pour le Québec. Je suis pas certain qu'on réalise ça. Là. Je suis convaincu qu'on le réalise pas, moi. Non, je pense qu'on le réalise pas. Je suis pas, le premier à plus ou moins le réaliser. Ben, aimez-vous ça quand votre cote de crédit est pas top-notch? Ouais, mais vous sentez-vous bien? Ben, c'est l'équivalent. Là. C'est très bien que pour nous autres, d'un, les notions de dette, les notions de problèmes financiers, les notions de ce qui se passe à New York au niveau collectif, de un, on en a un peu rien à foutre. De deux, on comprend rien là-dedans. On a un problème, là. Va falloir. Je t'apprends pas un matin qu'on a un problème avec l'économie. Ben, va falloir. Va falloir qu'on règle ça, ce problème-là, un jour au Québec aussi. C'est pas normal que tu sortes du secondaire 5, tu saches pas c'est quoi un taux d'intérêt pis une hypothèque, là. Jérôme, à 45 ans, il y a la moitié des Québécois qui ont pas une scène de réel. Ah, je sais. C'est ça, la réalité. Là, puis, à 18 ans et un jour, on se ramasse avec une carte de crédit, une limite de 500$. Après 24 heures, la limite est atteinte. Je suis le meilleur exemple de ça. Je rencontre du monde chez Desjardins qui m'explique mon compte en banque, puis je fais Moi aussi, je comprends. Je comprends rien. Ah, je suis d'accord avec toi. Je suis un peu comme ça, moi aussi. Ça me prend du monde pour m'expliquer puis me guider, là. C'est juste que si je pose des questions, c'est plus long. Fait que qu'est-ce que je fais? Je fais L'économie, c'est pas notre force collectivement, c'est pas notre force individuellement. Mais il va falloir plus. Que ça le devienne, surtout ceux qui veulent faire un pays que le Québec, là. Ben là, c'est ça. Il va falloir que ça le devienne, que vous vouliez ou non, là. C'est bien beau les artistes, puis les émotions, puis la culture, là. Mais il faut que l'économie devienne numéro un au Québec, là. Jusqu'où Philippe Couillard va pouvoir aller avant de commencer à reculer, puis de commencer à avoir peur de tout ce qui va se passer dans les rues? Puis là, peux-tu me dire ce que tu m'as dit un matin là sur la radio qu'on faisait en 2012? Je t'ai dit que le bout, depuis qu'on travaille ensemble, toi puis moi, où j'avais le moins le goût de rentrer travailler, c'est le bout des carrés rouges. Okay. Pourquoi? Parce que ça me rendait agressif des connards et des macaques qui se comportent comme des idiots dans les rues de la ville, qui virent des chars de bord, qui se prennent pour des révolutionnaires alors qu'on est au fucking Québec, là. Ça me faisait chier. Ça veut dire, puis là, je te le dis amicalement, tu sais que je t'adore, Denis, je te considère comme un ami, mais tu représentes le problème qu'on a eu au Québec depuis 40 ans. Convaincu. Je ne te signe pas. C'est qu'on recule devant des insignifiants, des clowns, des pas bons, des communistes, des gauchistes, des braillards. Et c'est ça qu'on fait au Québec depuis 40 ans parce que on aime pas ça là, les voir manifester puis oh, OK, vous avez raison, bon recul. Puis c'est ça le problème au Québec là. Puis ce que moi je te dis, c'est quelque chose de pas important, la radio. Mais nous autres on est des ticailles. C'est pas grave là, nous autres qu'on aime pas ça faire de la radio pendant qu'il y a des manifs puis tout ça. Mais c'est parce que il y a des ministres qui vont aller voir Philippe Couillard puis qui vont dire exactement ce que moi je viens de te dire. Ouais, mais là, ça va prendre, c'est là qu'on va voir ce qu'il y a dans les couilles, Couillard, là. Parce que, c'est là qu'on va voir t'as pas une tue. Mais c'est là qu'on va voir c'est quoi sa colonne vertébrale, la stature de ce gars-là, là. C'est là qu'on va le mesurer, c'est là qu'il va être très challengé, parce que je vous dis ce qui s'en vient. Là, le Couillard en papier mâché, là, il est prêt, là. D'un bureau de la CSN, puis au syndicat des fonctionnaires. Ils l'ont fait, hein. Le Couillard en papier mâché, qui vont promener dans les rues de Montréal, Il est prêt. Qu'est-ce qui est prêt? Les pancartes aussi, hein. Abat le néolibéralisme, oui. Et abat les libéraux, puis les chansons antilibérales. Mais, tout ça est prêt, là. Mais toutes les moronneries, là. Tu sais, Couillard Hitler, hein? Et c'est, Couillard avec la moustache d'Hitler. Ben oui. L'Hystério avec la moustache d'Hitler. Oui. On l'a déjà vu. Oui. Là, il y a une place. Martin Coiteux, peut-être même, avec la moustache d'Hitler. Ces pancartes-là, là, quelque part, ça existe, là. Oui. Dans des trous à Montréal, là, ça existe. Dans des trous à Marne, des trous à rats, des locaux, là, ces pancartes-là sont en train de se fabriquer. Dans des trous à rats, et aussi peut-être dans les résidences personnelles de certains élus. Ah oui. Ah oui, non, il y a les autres, là. Non, lui, ça gagne, là. Ça va être le bordel. Je te dis, là, commencez à vous ramasser un peu de canage, là, puis peut-être des cruches d'eau, là, parce que vous allez vouloir hiberner pendant une couple de mois. Oui, mais soyez heureux. Je vous le dis, on vous l'a dit, on est à Rose FM ce matin. C'est des maudites bonnes nouvelles, ça, matin. Je m'excuse, c'est des maudites bonnes nouvelles. On aura un bout très rough qu'on devra passer à travers ensemble. Puis même si moi, je vais trouver ça rough, puis que ça va moins me tenter de rentrer travailler, OK, vous allez m'encourager, puis on va passer à travers ce bout-là ensemble. On a trop retardé ça, justement pour ces raisons-là. Mais c'est pour ça que ça va faire plus mal encore. Ouais. Là, les syndicats, puis les gauchistes, puis les communistes, là, puis la gang à Cadier, puis les étudiants, puis les braillards, puis les pleurnichards, puis les groupes de pression, là, il est temps qu'on te mette ça au pas. Est-ce que Couillard est capable? J'ai hâte de voir. On va voir ce qu'il y a dans le ventre. Là, on va le voir. Souvent, c'est même pas de mettre au pas, c'est de ne pas reculer. Juste de pas reculer, ça serait un progrès, là. L'Hystério l'a fait. Oui. Avec les plus gros de la gang. Oui. Hein? Et en passant, c'est pas pour rien qu'il a été nommé vice-premier ministre. Il y a un plan, hein? Ministre de la Sécurité publique. Ouais. L'Hystério est ministre de la police. Il y a un policier qui est ministre de Montréal, Robert Poetti. Comprenez-vous vers quoi on s'en va, là? Ouais. Commencez-vous à le pogner à catcher, là? Moi, je commence à comprendre ce qu'on me dit sur Philippe Couillard depuis des années, là, que c'est un gars brillant, là. Ouais. Il s'est préparé pour aller à la guerre. Oui. Ah, il est prêt pour aller à la guerre, certain. La composition de son cabinet... Ça va être éveillé, maintenant. En dit très long sur ce qui s'en vient. Parce que là, c'est pas vrai que les gauchistes pis les petits braillards... anti-capitalistes, puis anti-libéraux, puis anti-tout ce que vous voudrez, vont rester assis chez eux, puis rien faire. Non, non. Non. Là, c'est les casseroles, c'est le gaz lacrymogène, c'est le couillard en papier mâché, c'est la pancarte anti-néolibéralisme, là, tout ça est prêt, là. Tout ça est prêt. Y a-t-il une sorte de ton en canne qui est meilleur que les autres? Tant qu'à n'acheter. Ben, à Québec, on va regarder ça, nous autres, puis on sait que la police va faire sa job ici, là. Ça, on est au courant de ça. Mais, tu sais, il y a des gens qui nous ont dit pendant le printemps, où il y a eu des étudiants dans les rues qui faisaient des crises du bacon, que, ils ont jamais été assez nombreux pour prendre le contrôle à Québec. J'espère qu'on se ramassera pas dans ces mardes-là. J'espère qu'on va garder le contrôle. J'espère. Moi, je pense que oui. Et, parce que c'est ces petits casseurs-là, là, les clowns, les crétins, les pas bons, là. Oh, mais là, ils sont minoritaires au Québec. Oui. Faut jamais oublier ça. Oui. Et ils sont minoritaires, même à Montréal. À Montréal, il y a bien plus de monde qui pense comme nous autres, là. Que garde, c'est assez, là, le modèle québécois, mais, là. Le penser, c'est une chose. Mm-hmm. Faire le macaque dans les rues, c'est autre chose. Mm-hmm. Moi, j'ai aucun problème avec les gens qui pensent que le modèle québécois, il est vraiment super, pis on n'est pas dans la merde, pis tout va bien. Ah, ils ont le droit de le penser, mais arrêtez de casser les fenêtres pis de tirer du gaz lacrymogène dans le métro, là. Tu fais rien avancer avec un sac de briques dans le métro, cave. Non, c'est ça. Ouais. Sauf que, il y en a qui vont vouloir devenir les nouveaux Gabriel Nadeau-Dubois, là, comprends-tu? Oh, man. Là, il y en a qui vont vouloir devenir les nouveaux porte-étendards de la gauche radicale. Là. Tu penses c'est ça qui va arriver, là. Tu penses que quelqu'un rêve dans sa vie de devenir un Gabriel Nadeau-Dubois? Ben là, c'est ça les modèles au Québec rêver aujourd'hui. Rêver de devenir Sidney Crosby, tout Carrasque, Ginette Renault à la limite, là. Gabriel Nadeau-Dubois. Ah, il y en a même un de ce gang-là qui a failli devenir ministre, là. Léo Bureau-Blouin, là. C'est des modèles, là, ce monde-là, là. C'était pas le pire, là, Bureau-Blouin, là. Il a failli devenir ministre, et finalement, il a failli à devenir ministre. Il a failli, oui, ouais, c'est ça. Ici, Paul Larocque. Merci, Paul. Un homme de vocabulaire. on s'enligne dans une période de trouble. Regarde, déjà en 48 heures, Couillard a déjà annoncé beaucoup d'affaires. Hey, peut-être juste mentionner ça aussi. Ouais. C'est intéressant, ça touche directement le monde, ça, là. Le Girénov, ça a été décidé, ça aussi, hier, au premier conseil des ministres. Puis ça, il y a un objectif, c'est que Le gouvernement veut que vous demandiez une facture au gars qui vient faire des travaux chez vous. Là. Essayez de lâcher le travail au noir un peu. Ouais, là, si vous faites des travaux de rénovation excédant 3 000 $, vous avez un crédit d'impôt de 20% jusqu'à un montant maximal de 2 500 $ pour vos travaux de rénovation. Fait que là, on va aller chercher un peu de TVQ, mais en même temps, on vous donne un petit break avec le crédit d'impôt aussi. Je t'annonce que en Beauce, à Saint-Raymond, dans certains secteurs aux abords de la rivière Montmorency, il y a du monde qui ont pris des notes, là. Puis c'est pas pour rien que ça arrive là non plus, là. On le sait, là. Il y a beaucoup de monde qui vont se lancer dans les réno puis dans les travaux, là, avec le coup d'eau qu'on a eu, là. À date, Philippe Couillard m'étonne. Il me surprend. Il y avait vraiment un plan de match, un plan d'attaque. Puis c'est toi qui me le fais réaliser à matin, là, jusqu'à quel point tout a été pensé. Les gens qui ont nommé ministre, ben oui, les secteurs névralgiques, c'est qui est en contrôle. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Il sait exactement où il s'en va. Il prévoit ce qui s'en vient à Montréal, le chaos qui s'en vient. Chaos possible. Si on se tient debout, ça va beaucoup mieux aller. Mais c'est vers ça qu'on s'en va, tu sais. Donc, ça va être le fun à suivre, je trouve. Ça va être le fun à suivre. Mais, regarde, mais tu sais, encore là, on dit il y a du courage. Puis, moi, oui, je suis content de ce qu'il fait, mais... Mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix d'un, puis il y a le beau jeu. On est au début d'un mandat de 4 ans. Il y a eu un mandat très clair. L'élection, c'est pas pour demain matin. C'est là que ça se passe. C'est le temps de pelleter de la marde. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Ça broyera comme ça voudra, puis inquiétez-vous pas, là. Les syndicats, ils vont y rappeler souvent, là. Ils vont faire quelques conférences de presse en disant, « Hey, Couillard, t'as pas compris, c'est nous autres qui mènent le Québec. T'as pas compris, ça fait 50 ans depuis la Révolution tranquille que c'est les syndicats qui mènent le Québec. » Ils vont y rappeler une couple de fois aussi, là, dans des beaux points de presse, là. Tu vas y voir la CSN puis le syndicat des fonctionnaires. Ils l'ont déjà fait l'autre jour, là. Ça s'en vient, ça aussi, là. Bonjour, Jérôme! T'es de retour! Ben, écoute, l'actualité m'appelle! Eh oui! La marche au panda sera dans les rues, pas vraiment le choix. D'ailleurs, c'est un peu tranquille dans mon autre carrière, là, celle de comédien. Puis, de remettre le costume, c'est peut-être pas une mauvaise option pour moi. Ouais, tu devrais te contenter de tes émissions le vendredi soir à la TV, toi. C'est pas méchant, sérieux. C'est relax, hein? C'est relax. Ouais. C'est un peu de vino, puis un peu de... Tu devrais te contenter de ça. On me dit que chaudaille, je me prends un peu moins au sérieux. Un peu moins épais. Ça aide. Hein? Ouais. Ça aide à mieux gérer. Oui. T'es plus sympathique un peu. Mais on peut pas laisser la machine libérale, le parti de l'asphalte et des millionnaires violer le Québec de cette façon. Est-ce que t'as repassé ton carré rouge? Ça serait peut-être de donner un petit coup de fer. À repasser. Quel beau symbole on s'est créé. Ou de vous en fabriquer des nouveaux, de ressortir vos vieux carrés rouges. Tu vas y voir, là. Tu vas voir, ils vont te les ressortir, les carrés rouges, sur la boutonnière. Là. Jérôme Landry, nous reprenons les armes. Oui, hein? Oui. Vous êtes prêts, hein? Nous sommes prêts. Toute la quête, on retrouve les bons vieux chums de 2012. Je suis tellement content de savoir que tu m'écoutes le vendredi soir, Jérôme. Oui, hein? Je pensais pas qu'on pouvait se rejoindre. Je suis content. Les petites recettes, là, les petites côtes levées sur le barbecue, j'écoute ça. Couper les oignons! Il est 7h21 à Radio X. Il faudrait peut-être me le dire. Si vous avez du fun, là, dites-moi là. Moi, j'en ai pas là.